Venez, ma fille, approchez-vous. Et venez donner votre main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Comment, mon père? Comme vous voilà fait. Est-ce une comédie que vous jouez? Non, non, ce n'est pas une comédie, c'est une affaire fort sérieuse et la plus pleine d'honneur pour vous qui se peut souhaiter. Voilà le mari que je vous donne. À moi, mon père? Oui, à vous. Allons. Touchez-lui dans la main. Et rendez grâce au ciel de votre bonheur. Je ne veux point me marier. Je le veux, moi qui suis votre père. Je n'offrais rien. Ah, que de bruit, allons, vous dis-je. Ça, votre main. Non, mon père, je vous l'ai dit. Il n'est point de pouvoir qui me puisse obliger à prendre un autre mari que Cléante. Et je me résoudrai plutôt à toutes les extrémités que... Il est vrai que vous êtes mon père. Je vous dois entière obéissance. Et c'est à vous à disposer de moi selon vos volontés. Ah, je suis ravi de vous voir si promptement revenu dans votre devoir. Et voilà qui me plaît d'avoir une fille obéissante.